va-t'en. Si tu ne m'aimes plus, va-t'en. Je ne veux pas aimer par habitude. Va-t'en. Va-t'en. Tu m'apprécies, mais va-t'en. Va revivre l'amour fou avec un autre. Oui, va-t'en. Va-t'en. La tendresse ne vaudra jamais l'amour. Va-t'en. Va-t'en. Ne pleure pas, va-t'en. Je t'offre tous ces bons souvenirs de nous. Va-t'en. Va-t'en. À tout jamais. Va-t'en. J'ai brûlé tes photos et tes poèmes. Va-t'en.